Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le cours de l'histoire. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Allez, venez, je vous invite à vous asseoir avec moi à une terrasse de café dans l'Est parisien, à la Porte Dorée. À la Porte Dorée, en 1931, nous commandons un Fernet, Branca, un Picombière ou un Dubonnet, déjà à consommer avec modération. Dans le poste de radio, nous entendons Bert Silva chanter la légende des flots bleus, puis Damia avec le grand frisé. Ah, le grand frisé, tiens, puisque nous sommes en 1931, Mistinguette fredonne, j'ai des touches. Mais surtout en 1931, nous admirons le bâtiment nouvellement construit pour la grande exposition coloniale. L'art déco, vraiment, c'est très beau. Ce palais accueille le musée des colonies. Là, une stèle sur laquelle est indiqué « À la France colonisatrice et civilisatrice ». La foule se presse pour visiter l'exposition coloniale. À la radio, Joséphine Baker chante « Voulez-vous de ma canne à sucre ?» Et puis non, nous n'allons pas visiter l'exposition coloniale, nous restons à la Porte Dorée à Paris, oui, nous finissons notre verre, et nous changeons de siècle. Nous voici en 2019. Le palais est devenu musée national de l'histoire de l'immigration. La nouvelle exposition permanente s'annonce passionnante. Là, oui, nous y allons. Toute la semaine, le cours de l'histoire sur France Culture s'est intéressé au cinéma et à l'histoire, parce que le cinéma est un objet historique et le cinéma est porteur d'histoire et de mémoire. Nous avons quand même croisé Godzilla, ce qui n'est pas rien. Nous avons été visiter ce cinéma chilien qui est émouvant à souhait, des émissions que vous pouvez réécouter en ligne sur le site internet du cours de l'histoire, franceculture.fr ou bien en podcast. Et puis vous pouvez les commenter, nous donner votre avis sur le groupe Facebook, le cours de l'histoire, où vous êtes de plus en plus nombreux. Merci beaucoup à vous. Aujourd'hui, nous allons parler de cette révolution à l'intérieur d'un musée qui existe déjà, faire musée d'une histoire commune, rapport pour la nouvelle exposition permanente du Musée national de l'histoire de l'immigration. Pour nous en parler, Patrick Boucheron, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes historien, professeur au Collège de France. Vous êtes présent ici sur France Culture avec Matière à penser. D'ailleurs, le programme... Le soir, la prochaine semaine que j'animerai à partir du 2 décembre sera sur le thème « Dans quel état est le droit ?» Ah, on commencera avec François Sureau. Belle question, 22h15, hein. Oui. C'est ça, nous y serons. Et Delphine Diaz est avec nous également, bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférence en histoire contemporaine à l'université de Reims-Champagne-Ardennes. Ce rapport pour la nouvelle exposition permanente du Musée national de l'histoire de l'immigration, le titre est long, mais c'est le sous-titre en vrai, parce que le titre lui-même de l'ouvrage est magnifique, « Faire musée d'une histoire commune ». Je vais vous demander tout bêtement, comment se construit ce rapport? Un rapport, ça tombe pas comme ça, il y a un comité auparavant. Comment vous êtes arrivé à cette réflexion, Delphine Diaz? Alors c'est un comité qui a été réuni à partir de 2017 hein, sous la direction de Patrick Boucheron et de Romain Bertrand. Et l'idée de ce comité scientifique, c'était de proposer une nouvelle galerie permanente pour le Musée national de l'histoire de l'immigration. Une nouvelle exposition qui permettrait de renouveler un petit peu les approches, de compléter certaines lacunes existantes du parcours actuel, dans un contexte où ce musée se développe à des visiteurs de plus en plus nombreux, hein, 500 000 l'an dernier. Donc il s'agissait un petit peu d'actualiser cette exposition. C'est nécessaire de visiter les musées à l'aune du contexte dans lequel ils évoluent. Aujourd'hui, nous sommes en 2019 et le musée, évidemment, a besoin de changer. Et puis, avec nous aujourd'hui, également Mathilde Larère. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne, enseignante à l'université de Marne-la-Vallée et vous avez écrit un agenda. Il était une fois les révolutions. C'est votre agenda, Mathilde Larère, autour de la révolution. Nous parlons aujourd'hui migration, révolution. Il y a un lien parce que pour ceux qui viennent en France, la France garde cette image issue de la révolution, de la liberté, des droits de l'homme. Donc la révolution a aussi à voir avec la notion d'immigration. Nous avons une image très positive à l'étranger, il faut le dire, grâce à notre révolution, la révolution française. Oui, et puis les révolutions et les révolutionnaires migrent. Delphine est bien placée pour en parler, mais sans exil, sans migration, peu de révolutions se seraient déplacées comme elles l'ont fait. Eh bien, nous allons nous déplacer donc dans le temps. C'est ça, le cours de l'histoire aussi. Jusqu'à la fin de l'émission, nous retrouverons Anaïs Quin qui assure la programmation du cours de l'histoire. Anaïs Quin avec son journal de l'histoire. Mais pour le moment, nous allons retrouver un président de la République le 15 décembre 2014. Ce président est François Hollande qui inaugure un musée. Mesdames, Messieurs, comment vous dire ? Je suis fier d'inaugurer aujourd'hui le musée de l'histoire de l'immigration. Il s'agit de comprendre notre histoire pour aller vers l'avenir. Fernand Braudel avait eu cette formule, c'était dans son dernier livre. Définir le passé de la France, c'est situer les Français dans leur propre existence. Telle est la vocation du Musée national de l'histoire de l'immigration. Rendre aux immigrés la place qui leur revient dans le récit national et donner ainsi les moyens d'aborder de façon sereine la question toujours posée de l'immigration. Les migrations ont une histoire, l'immigration a une histoire et le musée lui-même a une histoire. Cette histoire est très lourde, très riche. J'évoquais en début d'émission la grande exposition coloniale de 1931, le palais de la Porte Dorée. Nous étions au musée des colonies. C'est une logique en fait de s'inscrire dans cette longue histoire. Delphine Diaz, comment on peut voir ce musée des colonies qui se transforme en musée de l'immigration ? À quel moment il y a cette rupture ? Alors on voit bien la décolonisation, la fin des colonies, bien sûr, mais la nécessité de créer un musée de l'immigration. Alors, effectivement, on a un lieu ici qui est chargé d'histoire. On a le pavillon de l'exposition coloniale de 1931 à Vincennes qui a réuni un très très grand nombre de visiteurs et qui a eu plusieurs fonctions ensuite au cours du XXe siècle. Effectivement, qui était plutôt consacré à l'accueil de collections sur les colonies françaises et qui a été réaffecté en 2006-2007 avec l'ouverture du Musée national de l'histoire de l'immigration dans ce lieu. Donc un lieu chargé de l'histoire coloniale qui va accueillir un Musée national de l'histoire de l'immigration. Ce qui ne va pas de soi et ce qui a été aussi une forme de problème sans cesse soulevé dans les discussions très riches du comité scientifique réuni depuis 2 ans. Alors, comment faire d'histoire de l'immigration dans ce lieu ? Alors, peut-être d'abord aussi rappeler que dans d'autres pays dans le monde, il y a beaucoup de musées d'immigration qui se sont installés dans des lieux qui parlent d'émigration. En particulier, je pense bien sûr à Ellis Island, à New York, musée ouvert en 1990, dans un centre de tri d'immigrants. Mais on a d'autres cas ailleurs, au Canada, à Halifax, ou encore à Gênes, en Italie, où des musées s'installent dans des lieux qui comptent pour l'histoire de la migration. Et bien là, non. Là, on a tiré parti de ce grand palais de la Porte Dorée pour en faire un lieu qui permette de rassembler, sauvegarder, mettre en valeur les éléments relatifs à l'histoire de l'immigration en France. Alors nous avons entendu François Hollande inaugurer le musée, il l'inaugure après son ouverture. Ouais, plusieurs années après, mais c'est pas grave, il y a une inauguration quand même. Patrick Boucheron, vous avez présidé ce comité de réflexion déjà pour changer cette exposition permanente. J'ai envie de demander pourquoi faut la changer, parce que c'est vrai que ça ne semble pas si vieux. Vous en avez donné les principales raisons. En fait, il y a ce bâtiment qui parle haut et fort, dont l'éloquence est puissante, et on peine au fond à loger à l'intérieur d'un bâtiment qui parle d'histoire coloniale et qui en parle effectivement de manière véhémente et brutale des récits d'espace qui parleraient d'autre chose. Parce qu'au fond, l'immigration, bien sûr, qu'elle a à voir avec l'histoire coloniale de la France, mais pas seulement. L'historiographie récente que Delphine Diaz ici incarne avec les coordinateurs Emmanuel Blanchard, Anouche Kunt et Camille Schmoll. Je voudrais rendre hommage à tout le monde parce que moi, on m'a demandé de faire ce rapport. C'était en juin 2017, probablement que Benjamin Stora et le directeur du musée et de la directrice de l'établissement public pensaient à l'histoire mondiale de la France, à une histoire par date, parce qu'ils avaient envie de remettre de la chronologie dans tout cela. Mais mais moi je ne suis en rien spécialiste de ces questions, et j'ai eu beaucoup de bonheur et de fierté, je dois le dire, de rassembler, grâce à Romain Bertrand, 40 historiennes et historiens, mais pas seulement, des géographes, des démographes, des historiennes et historiens de l'art, qui ont travaillé, une nouvelle génération. C'est extraordinaire de voir ça, Xavier Mauduit, parce que d'une certaine manière, ça contraste tellement avec la pauvreté du débat politique. Ça, il faut le dire. Et justement, un des apports de cette historiographie, c'est de le décrocher de l'histoire coloniale, de montrer comment cette histoire est plus complexe, plus foisonnante. On a voulu faire un Ellis Island à la française. C'était ça la première intention. Ça supposait aussi de faire de ce musée un centre de ressources. Au début, ça s'appelait la cité de l'immigration. Et au fond, en rassemblant des données de la recherche récente, ce n'est rien d'autre que cela, le rapport, mais qui propose déjà un parcours, on tente de répondre à cette, à assagir la frénésie des discours politiques par un peu de savoir. Et ça fait du bien et c'est nécessaire. Patrick Boucheron, vous le dites bien dans l'introduction de cet ouvrage « Faire musée d'une histoire commune », c'est au seuil. On trouve que vous êtes historien, vous le dites, je suis historien, on m'a appelé. Mais vous dites aussi « je suis citoyen ». Et c'est vrai que c'est une légitimité déjà énorme de réfléchir sur ce qu'est l'immigration simplement en tant que citoyen. L'historien a un regard particulier, mais c'est une question qui concerne tout le monde, qui concerne les citoyens. C'est pas un musée pour ceux qui ont migré, c'est pas un musée pour les historiens qui s'intéressent à la question ou qui veulent trouver des ressources documentaires. C'est un musée pour tous les citoyens. C'était un peu dans cet état d'esprit que vous avez travaillé les uns et les autres. Delphine Diaz, vous êtes ici présente, vous êtes une de tous ceux et toutes celles qui ont réfléchi, mais c'était un peu ça. Des citoyens. Oui, c'était un peu ça. C'était un peu l'idée de montrer que ce pays est quand même le fruit d'une bigarrure constante, qu'on ne peut pas le nier, et qu'il faut essayer justement de revenir dans le temps long également sur cette histoire complexe. Dans le temps long parce que donc c'est un musée qui, dans sa mission initiale, doit s'employer à parler de l'histoire de l'immigration depuis le 19e siècle. Et on a aussi décidé de décaler un peu le regard et de commencer en fait dès la fin du 17e siècle, puisque le livre s'ouvre avec il est structuré autour de grandes dates, de la même manière que l'exposition permanente qu'on porte ici veut être structurée autour de grandes dates, et on commence en 1685 avec le code noir, et à la fois 1685, une date aussi importante puisque c'est la révocation de l'édit de Nantes, et donc tout un grand nombre de huguenots vont partir à travers l'Europe, se disséminer. Donc ici, voilà, on a eu l'idée aussi d'appréhender cette histoire un peu sur le temps long, de partir dès la fin de l'époque moderne, et puis effectivement d'essayer de montrer avec des chiffres que l'histoire française s'est construite à partir de cette histoire de l'immigration et que ça n'est pas quelque chose de neuf. Et c'est ce que fait notamment dans l'ouvrage François Errant. François Errant qui explique à l'appui des chiffres du recensement comment, dès le 19e siècle, la France va se détacher en Europe par un sol migratoire toujours positif. Patrick Boucheron. Oui, il faut des chiffres, mais il y faut aussi des récits. Ah oui. Et c'est cela qui nous a semblé important. On va voir pas seulement une base de données dans ce livre que nous offrons à la réflexion. C'est un rapport. On voulait pas faire un livre. On veut refaire un musée. Bon, c'est ça qui nous a été demandé. Mais en attendant, puisque maintenant c'est au musée de décider ce qu'il veut faire de ce rapport, nous avons d'une certaine manière achevé notre travail, on veut verser cette question au débat public. Voilà. Et pour cela, bien sûr qu'il faut donner des ordres de grandeur, rappeler que la différence entre Ellis Island et le palais de la Porte Dorée, c'est que d'une certaine manière, les États-Unis s'enorgueillissent d'avoir été un vieux pays d'immigration. Et la France l'est aussi en Europe, c'est ça sa spécificité. Et pourtant, d'une certaine manière, on dit que c'est le musée des autres, alors que c'est le musée de nous, faire musée d'une histoire commune. Mais pour ça, il faut raconter des histoires, il faut se rapprocher. Et ça, c'est quelque chose d'important. On a voulu rendre raison, enfin reconnaître cette histoire, la considérer. Je vais juste prendre un exemple. Si vous tapez sur votre moteur de recherche accent africain, aujourd'hui, vous tombez plus sur Michel Leeb et son invention abstraite d'un accent africain imaginaire. Vous tombez sur Samia Oroseman, qui totalise 10 millions de vues avec un sketch très drôle qui distingue l'accent l'accent malien, l'accent sénégalais, etc. Et c'est Guillaume Lachenal qui propose effectivement par les accents, par les mots immigrés dans la langue française, de rentrer plaisamment dans cette question. Et là, on voit que plus on s'approche, plus c'est intéressant. On voit que, bien sûr qu'on peut au fond disserter sur la représentation des stéréotypes des Noirs en France, on le fait, à l'aide d'Anne Lafont, etc. Mais si on parle, par exemple, d'Omar Sy, qui est un Français que, voilà, on connaît très bien aujourd'hui, eh ben c'est pas des Noirs en général qu'on parle, c'est de l'immigration soninké. Et ça, ça nous ramène à une histoire qui est longue et qui est intéressante parce qu'elle est précise. Raconter des histoires pour se rapprocher, faire de l'histoire pour se rapprocher. France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Aujourd'hui, nous parlons du Musée national de l'histoire de l'immigration à Paris et de la nouvelle exposition permanente, en tout cas du projet de cette nouvelle exposition permanente qu'il faut repenser. Ça fait longtemps qu'il y a des expositions sur l'immigration. Bien sûr, ce musée existe depuis un moment, mais il y en avait déjà auparavant. Nous allons faire un petit tour dans le Limousin. Nous allons faire un petit tour à Bellac en 1977. À Bellac, les enfants ont été les premiers à visiter l'exposition sur les Français et les immigrés proposée par le Centre Animation Loisirs. Une exposition conçue et réalisée par M. Rahal, inspecteur de l'éducation nationale à Limoges. Elle présente, par des photos, des dessins et des objets artisanaux, les aspects de la vie au Portugal, au Maghreb et en Andalousie. Son principal objectif, mieux se connaître pour mieux se comprendre. 1977, mieux se connaître. Ben oui, mais Patrick Boucheron, ben oui, il a raison, se connaître pour mieux se comprendre. 1977, ce qui est intéressant toujours, hein, quand on regarde ces questions-là sur une temporalité un peu longue, on voit que les questionnements étaient là. Pourtant, il faut les adapter à la réalité d'un musée et puis à un contexte. Moi, une question me vient tout de suite à l'esprit parce qu'il y a un rapport pour une nouvelle exposition permanente du Musée de l'Histoire de l'Immigration, alors que ce musée était inauguré en 2014 par François Hollande, il existait un petit peu auparavant. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui n'allait pas? Delphine Diaz. Alors, dans l'exposition permanente actuelle, il y a beaucoup de choses très très positives qui sont mises en valeur, notamment l'insistance sur une histoire sociale des immigrés. Et ça tient aussi à la façon dont se sont construites les études en France autour de l'histoire de l'immigration. Je pense par exemple aux travaux pionniers de Gérard Noiriel. Hein, voilà, ça répond aussi, bien évidemment, à ce premier temps. En revanche, ce qui manquait un peu, c'est une scansion politique, aussi une scansion d'histoire politique dans cette histoire, qui permette aux visiteurs de s'y retrouver aussi tout simplement dans un parcours chronologique un peu rythmé. Et je pense que ça manque aussi, par exemple, aux écoliers, aux étudiants qui viennent visiter l'exposition, très concrètement. Et puis, autre point qui manquait aussi peut-être un peu, et sur lequel on a beaucoup travaillé, c'est... Alors bien sûr, c'est un musée de l'histoire de l'immigration, c'est-à-dire de l'installation, de l'enracinement. Et c'est ce que représente l'exposition actuelle. Elle montre une sorte de parcours type de l'immigré qui, d'abord voyage, puis ensuite s'installe en France, noue des relations avec la société d'accueil, devient français, etc. Mais en fait, l'idée, c'est aussi de traiter d'une histoire plus large des migrations et des mobilités. Parce que, justement, l'historiographie actuelle a tendance, justement, à essayer de mettre en valeur les itinéraires migratoires dans toute leur complexité, en les éclairant depuis le lieu de départ jusqu'au lieu d'arrivée, et en montrant aussi que entre ces deux points, il y a souvent une multitude d'étapes. Donc, on voulait aussi montrer, par exemple, que la France n'est pas seulement un pays d'immigration, mais aussi un pays de passage. Pays de passage, et c'est ce qu'on montre pour le 19e siècle, en parlant, par exemple, des ports du Havre ou de Marseille comme lieu de départ des émigrants, et c'est ce qu'on montre également pour toute la partie sur le présent critique autour de Calais et du passage de ceux qu'on appelle les migrants, entre guillemets, qui cherchent souvent à rejoindre Londres, par exemple. Patrick Boucheron. On parle du passage à Marseille, mais aussi, par exemple, des grandes grèves de Marseille, parce que ce qui est, dans les années 74-76, parce que ce qui est en jeu, c'est effectivement de tresser différentes histoires, des histoires d'immigration, des histoires de politisation, des histoires d'accès à la nationalité, des histoires de statut, et dans tous les cas, au fond, la France n'est pas seule. C'est-à-dire que bien, il y a, d'une manière générale, et aujourd'hui, depuis les années 2000, François Héran le montre, au fond, une immigration de voisinage qui devient une immigration mondiale. Il y a une historiographie qui, elle aussi, est plus sensible à l'échelle mondiale. Et puis, il y a aussi le fait, vous parliez de présent critique, c'est-à-dire ce que ça nous fait aujourd'hui, que la France est prise à la fois dans une migration et dans un monde de droit et de statut. C'est-à-dire que lorsqu'on parle effectivement de la crise des réfugiés, lorsqu'on parle du regroupement familial, et ben, tout cela est réglé par du droit européen, international, par des statuts, par la Convention des droits de l'homme. Donc on n'est pas tout seul face à cette question. Et c'est cela aussi dont il fallait rendre compte. Et puis, nous sommes face à l'actualité également, qui est là sans cesse, c'est-à-dire que nous sommes sur un sujet qui est présent presque dans le quotidien des Français et des Françaises, parce qu'on le voit dans les journaux. C'est une actualité qui fait mal en plus, parce que c'est une actualité souvent qui est porteuse de souffrance. Alors, souffrance de ces migrants qui se noient dans la mer, et par milliers, c'est toujours troublant. Souffrance aussi de l'incapacité à accueillir. Nous allons écouter l'extrait d'un documentaire SOS Méditerranée qui est passé en 2017 sur la chaîne Arte, Aquarius. L'Aquarius se prépare pour une nouvelle mission de 3 semaines. Ici, on l'appelle le bateau citoyen. Un ancien garde-côte allemand de 77 mètres. Et les derniers mois ont été durs pour l'équipage. 3500 migrants secourus et emmenés en Europe. C'est la haute saison pour les passeurs en Méditerranée. Nous partons pour la zone de sauvetage au nord de Tripoli, en Libye. C'est à un peu moins de 2 jours de navigation. Nous ne savons pas combien de migrants nous allons trouver là-bas. Ça dépend vraiment de la météo. Mais les migrants me disent souvent qu'ils préfèrent mourir en mer que de rester en Libye. Ça montre bien quelle est la situation dans ce pays, surtout pour les Noirs. Ils sont torturés là-bas et n'ont pas d'autre choix que de partir. Partir pour trouver une vie meilleure. Partir pour retrouver une vie meilleure. Delphine Diaz, Patrick Boucheron, quand vous participez à un comité de réflexion sur la nouvelle exposition permanente du Musée de l'Histoire de l'Immigration, il y a quelque chose à prendre en compte. Au-delà de l'histoire des migrations, de l'immigration, il y a simplement du vivant, du vécu, de la chair. On l'entend bien dans des extraits comme ça. Et c'est au cœur, en fait, de votre réflexion. Patrick Boucheron, vous parliez de l'importance du récit, parce que ce récit-là explique l'immigration. Oui, on fait deux choses. On fait de l'histoire, mais on fait de l'histoire au présent. Et à partir de ce présent critique, de ce dossier critique, de la question de l'accueil aujourd'hui. Bien sûr qu'on a réfléchi, au fond, à l'encours chronologique de ce musée. On commence quand ? On a choisi effectivement de commencer avant le 19e siècle pour rendre compte du fait que cette variété des statuts vont faire de la condition d'étranger une condition d'incertitude. Bon. D'une certaine manière, un musée, ça commence toujours aujourd'hui. Le départ, c'est aujourd'hui. Et les premières salles que l'on suggère, eh bien justement, sont des salles qui se mettent à hauteur de ce que vous nous avez fait entendre, notamment au grain de la voix d'une exilée camerounaise que Camille Schmoll nous fait entendre. Et à partir, au fond, de cette présence-là de l'histoire, on va justement faire notre métier, celui de Delphine Diaz, par exemple. C'est de rappeler que cette histoire est longue et elle nous ramène au Havre en 1834, si je me souviens bien. Oui, l'idée effectivement c'est de partir de ce présent critique de l'asile et du refuge Et puis, en partant de ce présent, de tisser des liens avec d'autres crises migratoires que la France et l'Europe ont connues auparavant, hein, puisque ces histoires de bateaux disparus en mer ou d'histoires bloquées dans des navires avec tout un ensemble d'exilés à leur bord, c'est pas une histoire tout à fait nouvelle. Au XIXe siècle, par exemple, la France, à plusieurs reprises, a été confrontée à ce type de problème, que ce soit au Havre en 1834, avec un navire plein d'exilés polonais dont on ne voulait pas, ou encore en 1849 à Marseille. Donc cette histoire se répète et effectivement avec un caractère tragique sur lequel on revient et dont on a bien évidemment conscience en faisant ce travail d'historien. Cette histoire se répète et pourtant elle est liée à un contexte particulier dans votre introduction, Patrick Boucheron, de cet ouvrage, de ce rapport donc publié au Seuil, Faire musée d'une histoire commune, dirigé également avec Romain Bertrand. Vous écrivez, Patrick Boucheron, ce sont les premières lignes, il est des sujets qui exigent de nous justice et justesse. C'est vrai qu'il y a des sujets sur lesquels tout le monde travaille, des actes de colloque, des articles, des sujets sur lesquels on se penche, et il y en a d'autres où l'on sent que chaque mot doit être pesé, parce que nous sommes dans un moment, je ne sais pas comment le qualifier, mais d'hystérisation sur certains sujets. Et donc, j'imagine que vous pesez chaque mot, Patrick Boucheron, quand vous écrivez. Oui, et en même temps, la morale de l'exactitude, ça fait partie du kit ordinaire de notre métier. Voilà. C'est pas parce que le sujet est grave qu'il nous engage davantage du point de vue méthodologique. Pour la méthodologie, c'est vrai que chaque article est écrit avec sérieux, mais l'on sait que c'est beaucoup d'interprétations, oui, sur ces sujets-là. Mais c'est on important. Détourne le sens. C'est important parce que, effectivement, puisque nous arrivons au bout, c'est-à-dire jusqu'à nos propres hantises, lorsqu'on a parlé par exemple de la vallée de la Roya, lorsqu'on a parlé de l'Aquarius, etc., on a tenté au fond de documenter la situation de la même manière que on documente les perruquiers noirs de Nantes au XVIIIe siècle. Voilà, c'est-à-dire avec des archives et avec une distance. Il faut faire très attention à ça. Il y a aussi la question de l'art, parce que c'est un musée, donc il faut faire voir des choses. Il faut faire voir des choses, et d'une certaine manière, on ne doit pas non plus déléguer notre colère à l'art contemporain. Ce que beaucoup, d'une certaine manière, peuvent avoir la tentation de faire. Donc l'art, il témoigne aussi de ce que nous sommes en train de devenir, et c'est pourquoi on propose pas seulement d'un musée d'archives, d'objets, mais aussi qui mobilise la question des représentations artistiques, même quand c'est douloureux. Il y a par exemple le village Bamboula à Nantes, toujours en 1994. On se dit comment un industriel du biscuit a pu faire en 1994 quelque chose qui était pas loin d'un zoo humain, pour revenir effectivement à 1931. Et surtout, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait de revoir ces images-là? Est-ce qu'on a le droit dans un musée d'exposer une affiche du Front National? Faut bien aussi faire l'histoire de la xénophobie et de la haine. Sur ces représentations négatives, parce qu'on pourrait avoir l'impression que cette hystérisation du débat public dont on a parlé depuis tout à l'heure, et c'est quelque chose de nouveau, mais en réalité, justement, tout le parcours de l'exposition permanente serait aussi d'insister sur l'idée que la naissance de la xénophobie, c'est quand même quelque chose qui s'enracine là aussi dans le temps long, et que on gagnerait également à montrer que au XIXe siècle, même si on accueillait une immigration essentiellement européenne, eh bien cette immigration a été perçue comme inassimilable. Hein. Il suffit de revenir au massacre d'Aigues-Mortes des Italiens en 1893, ou encore aux rixes contre les Italiens en 1894, après l'assassinat de Sadi Carnot, qui l'a aussi illustré dans une notice du livre, pour voir que à cette époque-là aussi, l'hystérisation bat son plein. C'est important de le rappeler, Delphine Diaz, donc il ne faut pas avoir peur, parce que ça a toujours été comme ça, et les combats ont toujours été là, et les historiens ont toujours apporté, historiens et historiennes, apporté des éléments de réflexion pour alimenter les débats. Patrick Boucheron, vous avez parlé d'art dans ce musée, il nous fallait aussi de l'art dans notre émission. Abdelmalik avait chanté Gibraltar, et il est revenu un peu plus tard pour chanter La Bida Negra, qui est une relecture de Gibraltar. France Culture, Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Il y a un homme noir et sa femme enceinte qui rêvent un cauchemar qui prendra vie une fois passé Gibraltar. Avec des dreadlocks qui valsent avec Pénélope, mon frère. C'est l'épiphanie de ce paradis terrestre qui a été contemplé via Internet. C'est l'Aquarius en canoë de fortune qui autobus ses futurs noyés qu'on enfume. C'est ce cœur jeté à la mer entre deux satyres qui résume la tragédie à venir. C'est Hélène avec des tresses ou une afro qui, suppliante, demande une trêve aux affreux. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme, que son embarcation est ou non un moteur Renault. On meurt, on pleure, on bonhomme, on bonhomme. On fait l'amour, on fait le mort, c'est tout con, c'est tout comme. On meurt, on pleure, on bonhomme, on bonhomme. On fait l'amour, on fait le mort, c'est tout con, c'est tout comme. Les rêves de succès, c'est sûr, le paradis existe, qu'ils se disent, vu que c'est l'enfer qu'ils quittent. C'est Black Orpheus, que dis-je, qui tombe dans les bras tendus d'Eurydice. C'est ce drôle de lotus, cette carotte banane qui fait délirer toutes les raisons, tout le réseau social. C'est Virgile, pas Louis Vuitton, que je sache, qui m'accompagne vraiment dans ce cul-de-sac. Parce que c'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme, que son embarcation est ou non un moteur Renault. Aquarius. On meurt, on pleure, on bonhomme, on bonhomme. On fait l'amour, on fait le mort, c'est tout con, c'est tout comme. On meurt, on pleure, on bonhomme, on bonhomme. On fait l'amour, on fait le mort, c'est tout con, c'est tout comme. Mira, mira, mira, mira. Vida Negra d'Abdel Malik dans le cours de l'histoire. Le cours de l'histoire sur France Culture qui aujourd'hui s'intéresse à l'actualité, une double actualité, c'est faire musée d'une histoire commune. Avec vous, hein, Patrick Boucheron, Delphine Diaz, c'est le rapport pour la nouvelle exposition permanente du Musée National de l'Histoire de l'Immigration. Sous la double direction, hein, pour le rappeler, de Romain Bertrand et de Patrick Boucheron aux éditions du Seuil, coédition avec le Musée de l'Histoire de l'Immigration. Et avec vous également, Mathilde Larère, Il était une fois les révolutions, c'est aux éditions du Détour. Vous venez avec votre agenda, mais Mathilde Larère, quel est cet objet? Ah, c'est un objet, enfin, c'est intéressant en soi comme objet. En fait, c'est l'idée, un livre. C'est un livre, oui. Alors oui, forcément. Enfin, forcément, non, pas non. Nécessairement. Mais l'idée qu'on a eue avec les éditeurs du Détour, c'est de faire effectivement un almanach révolutionnaire, sachant que les almanachs, c'est quand même une tradition de culture populaire et qu'il existait d'ailleurs au début du XXe siècle des almanachs révolutionnaires. Donc l'idée est de construire, en fait, une histoire longue et d'ailleurs sur plusieurs continents des révolutions du XIXe au XXe siècle, plutôt du XIXe siècle parce que c'est ce dont je suis spécialiste et on ne vulgarise bien que ce dont on est spécialiste, mais pas de le faire dans un fil chronologique classique, mais en prenant comme un éphéméride, c'est-à-dire mois par mois, les anniversaires des événements ou des personnages, des acteurs révolutionnaires. Et comme c'est un almanach, de mettre à l'intérieur, comme dans les almanachs du temps passé, par exemple des recettes de la tête de veau le 21 janvier, le 21 janvier, la tête de veau. Eh ben, en même temps, c'est une tradition républicaine. Ah, oui, mais ça fait partie de l'histoire. Ou de faire, on a fait par exemple un coin bricolage en citant une page de Blanqui qui explique comment construire une barricade ou des coins jardinage en posant la question du muguet du 1er mai ou de l'églantine qui le précédait. Donc, de jouer en fait de cette référence de la culture populaire pour faire une histoire qui est quand même, enfin, c'est un travail de vulgarisation. vulgarisation historique sur l'histoire des révolutions et sur l'histoire des circulations dans le temps et dans l'espace des révolutions. Oui, avec des petits clins d'œil toujours en forme de sourire, notamment des graffitis que vous avez récupérés sur les murs à droite à gauche en vous baladant, ou des petits mots que vous avez pris peut-être sur les réseaux sociaux, Mathilde Larère, que vous fréquentez beaucoup sur Twitter, on peut vous retrouver. Oui, en fait, ce qu'il y a, c'est que ça m'a beaucoup intéressée, alors dans le mouvement des Gilets jaunes, c'est clair, mais depuis Nuit debout, à quel point les graffitis sur les murs font référence aux révolutions du passé, s'inscrivant dans leur continuité, jouant un jeu de citations, et avec, pendant le mouvement Nuit debout, c'était essentiellement la Commune, un tout petit peu d'autres révolutions, mais pas trop, et avec le mouvement des Gilets jaunes, ce sont les références à la Révolution française qui sont revenues, Macron égale Louis XVI, sans culotte égale Gilets jaunes, donc ça a été très présent. Et pour rendre hommage finalement à cette citation que fait le mouvement à la Révolution, parce que c'est aussi pour ça que j'ai eu l'idée de faire ce travail, eh bien on a mis les graffitis à l'intérieur du livre. Mathilde Larère, votre ouvrage s'appelle « Il était une fois les révolutions ». Et bien justement, en écho à ce pluriel, les révolutions, voici un bricolage sonore et magique de Perret Legras. Perret qui réalise cette émission avec aujourd'hui à la technique Jean-Frédéric. Un bricolage où nous croisons alors le chant des partisans, des archives, des films, Germaine Sablon, Nina Simone, Pete Seeger ou encore les Beatles, une déclinaison autour du mot révolution. Les Parisiens ont pris la Bastille. C'est une révolte. Non, sire. C'est une révolution. Ne vous y trompez pas. La France ne veut plus la révolution. L'heure est passée. Aujourd'hui, que pensez-vous de cette réponse ? Ça ne peut pas continuer comme ça. Ah ? Non, faudrait faire la révolution. Ça vous croyez ? Oui, partisans, ouvriers des paysans, à vos armes. L'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Oui, j'abjure. Et pourtant, elle tourne. Bien. Allez, en scène tout de suite, les enfants. Scène pour la révolution. Après plusieurs autres villes aussi différentes que Rome, Berlin, Ouest ou Varsovie, l'agitation étudiante s'est manifestée à Paris. We shall overcome someday. Il y a la révolution au Portugal. Plus cette nuit. Vous écoutez jamais la radio, vous autres ? Du Chopin, qui lui aussi fait la révolution sur un piano. Dites-nous Mathilde Larère, quand vous étudiez ces révolutions, parce que c'est votre sujet d'étude, enfin, vraiment là vous faites un agenda, un almanach où l'on s'amuse avec les révolutions et vous le rendez très accessible, donc c'est toujours très agréable, mais derrière évidemment il y a un fond solide. Vous voyez, en vous regardant sur ce temps long, ces différentes révolutions, des traits communs. Alors c'est très commun, ça veut dire plein de choses. C'est-à-dire que à la fois, pour revenir sur le fond solide, effectivement, c'est d'abord un travail qu'on a mené par une enquête de plusieurs historiennes essentiellement. On a fait finalement un colloque sur les circulations révolutionnaires. Donc ce qui nous a intéressé, c'est comment les révolutions circulent à la fois dans l'espace et dans le temps. On a fait ensuite un deuxième livre de vulgarisation, mais plus sérieux que celui-là, en tout cas plus sérieux dans la forme, qui s'appelait « Révolution quand les peuples veulent font l'histoire ». Ensuite, je les ai transformés en tweets, parce que je me sers de Twitter comme d'un espace d'éducation populaire. et nous sommes passés là, avec les éditions du Détour, à cette forme livresque. Donc en fait, c'est un travail qui dure depuis 10 ans, hein, sur ces révolutions. Les traits communs, bah, de toute façon... La liberté, on sent que c'est toujours présent. Alors oui, la liberté, l'égalité, en fait, ce qu'il y a, c'est ce que j'explique dans l'introduction, il y a plusieurs modèles de révolution. Il y a ce qu'on appelle la révolution libérale, ce que longtemps le marxisme appelait la révolution bourgeoise, mais que je trouve plus clair d'appeler la révolution libérale. Là, d'accord, liberté plus. Et on a la révolution démocratique et sociale, qui s'affronte à la révolution libérale en 93, qui tente mais échoue en 1830, qui s'installe en 1848, que l'on retrouve dans la Commune et que d'une certaine façon on en retrouve un des avatars actuellement. Et puis le troisième grand modèle de révolution, c'est la révolution sociale, socialiste, communiste, donc 17, et puis ses avatars castristes, maoïstes. Donc il y a des grands modèles. Alors dans ces familles de révolution, on trouve effectivement des traits communs dans les revendications. Après, la révolution, c'est un soulèvement populaire de nature interclassiste, toujours plurivoque, c'est une de ses caractéristiques, qui en fait recourt à l'illégal, hein, mais recourt à l'illégal parce qu'il le considère comme légitime. C'est ce que j'écris dans l'intro. La révolution, c'est le creuset où l'illégal devient légitime et où donc on peut justifier le renversement de l'ordre et l'installation d'un autre ordre. Qui devient légal dès lors. Qui revient légal et parce qu'il est légitime aussi, enfin qu'il est considéré comme légitime. Et d'autre part, donc, on va avoir des gestes révolutionnaires, à la fois des gestes précis et puis un ensemble de gestes qui posent la révolution. À partir du moment où la barricade devient l'emblème révolutionnaire, on va le retrouver à peu près partout en Europe, puis dans l'ensemble du monde, et même parfois simplement symbolique. Il y a des moments où on fait des barricades, elles n'ont aucune raison d'être défensive. Il s'agit juste de dire... Je fais la révolution. Je fais la révolution et je montre que je ne suis pas content, que je suis en colère. D'ailleurs, en évoquant le mot colère, dans le rapport que vous avez publié là aux éditions du Seuil et du Musée de l'Histoire de l'Immigration, dont faire musée d'une histoire commune, Patrick Boucheron, vous terminez votre introduction avec cette phrase. Il nous arrivait parfois de dire que nous voulions un musée en colère. C'est une belle expression, un musée en colère. Qu'est-ce qu'un musée en colère ? Je pense que ça voulait dire à ce moment-là une colère contre l'inattention. C'est pas nécessairement la véhémence, c'est cette question effectivement de l'exactitude dont on parlait tout à l'heure, et ce qui effectivement, pour moi, hein, mais je pense aussi pour celles et ceux qui nous ont accompagnés dans cette aventure, il s'agissait de considérer, pas nécessairement de revendiquer, mais de considérer à hauteur de femmes et d'hommes, une histoire. Et vous savez, il y a ce beau livre de Caroline Hemke qui s'appelle « Contre la haine » qui dit bien qu'au fond, on ne peut jamais haïr en détail. Que c'est toujours par des généralisations hâtives qu'on attise les discours de haine et que le simple fait de se mettre en colère contre l'inexactitude et contre l'inattention, c'est-à-dire de ne pas se contenter de généralités vagues, mais d'aller voir, d'y aller voir vraiment, c'est notre métier. Et au fond, il peut ne pas être totalement inutile. Oui, la colère, ce n'est pas hurler et tout casser, c'est pas simplement ça. Ça peut l'être. Ça peut l'être aussi. Mais votre colère, vous, Patrick Boucheron, maintenant professeur au Collège de France, ce n'est pas de casser. Ça ne m'énerve jamais. Mais non, mais ça n'empêche qu'il peut y avoir, évidemment, et elle est même nécessaire, cette colère-là. La colère est aussi nécessaire. Je vois faire rougir de la tête Delphine Diaz. Vous non plus, vous n'êtes pas en colère. Vous n'êtes pas sur les barricades là, maintenant. Mais il y a, quand on fait un travail d'historienne comme vous le faites, une volonté de dire prise de conscience nécessaire. Sur ma question, en l'occurrence, c'est l'immigration. Oui, prise de conscience nécessaire. Et puis alors, c'est vrai que je voulais aussi réagir à ce que présentait tout à l'heure Mathilde sur l'histoire des révolutions et des circulations révolutionnaires. Bah là, les deux sujets sont vraiment très très liés, puisqu'il y a eu nombre d'étrangers qui ont participé au combat de barricades, que ce soit en 1830, en 1848 ou en 71. Enfin voilà, c'est vraiment voilà un fait majeur aussi qu'on essaie de réétudier là aussi. Et vous le voyez également, Mathilde Larère, en étudiant les révolutions, donc avec « Il était une fois les révolutions » dans cet agenda révolutionnaire. C'est vrai que on le voit bien sur la couverture de l'ouvrage, il y a la liberté qui dans le peuple de Delacroix, le dessin, le drapeau est rouge et on voit un homme qui est, évidemment il est mexicain. Et donc oui, en fait, voilà tous ces liens entre les différents pays. Oui, parce qu'il y a un certain nombre d'illustrations très belles dans l'ouvrage et justement sur cette couverture, en fait, l'idée était de rassembler toutes les révolutions derrière ce cette image emblématique de la Révolution qui est à l'origine le tableau de Delacroix et qui traite de 1830, même si souvent les gens pensent que c'est la Révolution française, mais en fait c'est la Révolution de juillet 1830, mais en y insérant des personnages d'autres révolutions. Donc il y a effectivement un Zapata, il y a un Lénine, il y a une combattante de la Révolution espagnole, et donc on essaie de les mélanger parce que de fait elles se donnent la main, ces révolutions. Il y a un très bel article dans La Vie des idées qui s'intitulait La ronde des révolutions. C'est assez juste. C'est assez juste. Et puis, être révolutionnaire, c'est pas simplement être sinistre et vouloir vraiment sortir son aigreur. C'est pas du tout ça. Bah, tenez, Ça. On va donner l'exemple avec Daniel Cohn-Bendit au tribunal des flagrants délires. Il parlait à Claude Villers. C'était sur France Inter en 1982. On dit que je suis révolutionnaire. Enfin, ça se dit, hein. C'est pas moi qui le dis. Je croyais que c'était une vocation, pas un métier. D'être révolutionnaire, oui. Oh, ça s'apprend, c'est dur, il faut travailler. C'est pire que la radio. Vous avez appris ça comment? Par hasard. Par hasard, c'était... J'étais dans la rue et puis quelqu'un me dit « Dis donc, on cherche quelqu'un ». C'était en 67 pour faire le con, là. J'ai dit « D'accord, moi j'ai rien à foutre, je suis au chômage ». Et hop, c'était embringué. Clin d'œil humoristique de Daniel Cohn-Bendit au tribunal des flagrants délires en 1982, Mathilde Larrère. C'est vrai que dans cette étude autour de la Révolution, il y a le mot ferveur qui apparaît. Il y a aussi ça, il y a un souffle de vie. Oui, mais c'est important aussi de le rappeler parce que dans tous les discours de dévalorisation, de délégitimation de la Révolution, on l'associe toujours à la violence, au désordre, etc. Et il était important de rappeler que la Révolution est un projet, qu'elle est une joie, de même que Simone Veil, avec un W, hein, disait en 1936 « La grève est une joie, la Révolution est une joie, la Révolution est une fête aussi, parce que le renversement de l'ordre et la volonté de créer un ordre considéré comme plus juste, en fait, il y a largement de quoi satisfaire ceux qui le font. Ce qui n'empêche pas, et je ne nie pas, évidemment, la violence qui peut s'exercer dans différentes révolutions. Mais il faut en donner les deux aspects. Il est hors de question de la réduire uniquement aux violences qui sont fustigées par tous ceux qui, depuis qu'elle existe, la critiquent et continuent à le faire. Voilà, et l'historien, de toute façon, n'est pas là pour juger et prendre position, et notamment sur des sujets qui sont dans les polémiques du moment. L'historien, l'historienne est là pour étudier son objet d'étude et apporter des éléments au débat, ce qui n'empêche pas que l'historien ou l'historienne en tant que citoyen a des idées à lui, mais ça c'est autre chose. L'exposition, elle va être mise en place au musée de l'histoire de l'immigration, parce que le rapport est là, maintenant il n'y a plus qu'à la faire l'exposition. Bah, on le souhaite, de toute façon, encore une fois c'était une commande publique, donc ce n'est pas de notre propre initiative qu'on a fait ces préconisations, elles rendent hommage aussi à tout le travail, il faut rendre hommage aux équipes du musée, à l'historiographie qu'il a rendu possible à l'exposition actuelle qui s'appelle Repères. Et donc maintenant, c'est au musée, effectivement, de choisir ce qu'il veut faire avec ses propositions. Ben merci beaucoup, Patrick Boucheron. Nous guettons et donc nous irons au musée. Merci beaucoup à vous aussi, Delphine Diaz. Donc l'ouvrage est « Faire musée d'une histoire commune ». Le titre est très beau. C'est ce rapport pour la nouvelle exposition permanente du Musée national de l'histoire de l'immigration sous votre direction, Patrick Boucheron, et celle de Romain Bertrand aux éditions du Seuil et du Musée de l'Histoire de l'Immigration. Et si l'on a besoin d'un agenda pour savoir faire la Révolution, non, juste pour comprendre la Révolution, oui, les Révolutions, et puis même pour avoir des petits sourires, il y a « Il était une fois les Révolutions » Mathilde Larrère aux éditions du Détour. Mais pour le moment, dans le journal de l'histoire, pour le moment, dans le cours de l'histoire, nous retrouvons le journal de l'histoire, le journal de l'histoire d'Anaïs Quien. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Anaïs, payez-vous vos factures rubis sur l'ongle? Ça dépend. Ça dépend. Bah, la famille royale d'Angleterre, elle, a du mal à payer ses factures. Un film? Oui, un film documentaire. Tony, si vous voulez bien. Un film dans lequel vous serez au naturel, sans artifice. On y verra la réalité, comme dans les documentaires sur la nature. Oh, j'en regarde souvent. Oui, sauf que dans ce film-là, ce sera nous, l'espèce en voie de disparition. Le prince Andrew n'en finit plus de se dépêtrer de l'affaire Epstein après son interview calamiteuse qui a laissé le public atterré et la famille royale avec. Cette semaine, c'est aussi la mise en ligne de la troisième saison de The Crown, la série biographique consacrée à sa grand-mère, Elisabeth II. Difficile de nourrir l'arc dramatique alors qu'Elisabeth se mure progressivement dans une apathie qui peine à saisir les soubresauts du monde. Les scénaristes changent donc d'héroïne, c'est le régime monarchique qui campe le personnage central de cette troisième saison, car la royauté est en péril. Dans le quatrième épisode, on voit les balbutiements douloureux de l'apprentissage médiatique de la famille royale. En 1969, le duc d'Édimbourg, Philippe, le mari de la reine, se plaint lors d'une interview donnée à la télévision américaine des fins de mois difficiles de la famille royale. Car c'est terrible, la reine n'a pas été augmentée depuis 15 ans. Cette bévue ne passe pas inaperçue en pleine crise économique et provoque un débat enfiévré sur l'utilité de la famille royale et sur le bien fondé de financer une institution anachronique coupée des réalités sociales du pays. Pour réparer son dérapage, Philippe, grand défenseur de la modernité pourvu d'une absence totale de conscience sociale, se lance dans une campagne médiatique afin de redorer l'image de la couronne aux yeux des Britanniques et lance le tournage d'un documentaire afin d'aller chercher leur indulgence en leur montrant une famille ordinaire, royale mais laborieuse, un bon investissement pour la nation. Noël en famille, mais au château de Windsor, barbecue du dimanche, mais à Balmoral, l'entreprise est périlleuse. On pouffe de rire, encouragé par l'acidité coutumière de la sœur indigne de la reine, la princesse Margaret. Sommes-nous supposés dire quelque chose ? Oui. Mais quoi ? Quelqu'un nous a préparé un texte. Je crois que ce passage demande à ne pas être écrit d'avance afin de refléter une soirée normale. Cela n'a rien d'une soirée normale. Je peux vous assurer que si c'était une soirée normale, nous serions chacun isolés dans notre triste solitude, chacun dans notre palais. Nous ne serions pas entassés les uns sur les autres comme pour une espèce de Noël cauchemardesque. C'est engageant. Le documentaire bat des records d'audience, mais échoue lamentablement à démontrer la normalité de la famille royale sous une pluie de quolibets. Elisabeth retrouve l'attitude qu'elle ne lâchera plus, une statue de sel vêtue de pastel. Le mieux que nous ayons trouvé jusque-là, c'est le mélange de rituels et de mystères. Cela nous permet de rester cachés tout en étant exposés au regard. Toute la fumée et tous les miroirs, le mystère et le protocole ne sont pas destinés à nous tenir à l'écart, ils sont destinés à nous maintenir en vie. Ce baptême du feu télévisuel reste un souvenir cuisant, mais n'a pas pour autant aidé les républicains qui ont pris conscience de la portée de ce nouveau divertissement, des recettes du documentaire animalier consacré à la vie d'une famille rythmée par des rituels obsolètes. On en avait repris pour au moins une ou deux décennies de monarchie et bien plus encore. Ce documentaire est rangé dans un tiroir sur ordre de la reine et les attachés de presse ont compris la leçon. Ils contrôlent avec acuité l'image de la famille royale. Car une fois passé cet épisode comique, cette troisième saison de The Crown évite tous les sujets qui pourraient fâcher. Rien sur le conflit irlandais en ébullition dans les années 60 et 70. On concède un épisode sur les revendications du pays de Galles, mais le prince Charles parvient à dépasser les clivages politiques en faisant fondre le cœur des sujets les plus récalcitrants. Si la monarchie était en péril, elle est bien sauvée pour quelque temps, au moins sur Netflix. La reine Elisabeth, une statue de sel vêtue de pastel, vous êtes royale. Anaïs, tous les liens, toutes les informations pour assouvir votre curiosité sur la page du journal de l'histoire, franceculture.fr. Le cours de l'histoire sur France Culture est une émission préparée par Marion Dupont, Anne Toscane-Viudès, Camille André et Alice Rouet. Des émissions à réécouter en ligne sur le site internet lecoursdelhistoirefranceculture.fr ou en podcast ou nous rejoindre sur le groupe Facebook Le Cours de l'Histoire la semaine prochaine. Nous l'adorons, nous la détestons, la famille. Nous allons parler de l'histoire de la famille et des histoires de famille, des fatales frangins Cain et Abel au lignage des grandes familles. Nous allons grimper l'arbre généalogique.